toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Movies Nerd, l'émission où l'on discute des films que l'on a vus durant le mois passé. Vous êtes à l'écoute de l'épisode numéro 40, enregistré le 27 mai 2018. Je suis Axel, un des hôtes de cette émission, mais je ne suis pas seul parce que j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés mon co de toujours, Eddy. Salut. Salut. Comment tu vas ? Bah, comme un gars qui vient de finir sa journée de boulot. C'est ça. Voilà. Ouais. Non, avec les allergies en plus. Ouais, c'est génial. Donc ouais, je m'excuse déjà, même si je vais essayer de faire ça le plus discrètement possible, ouais, je vais être obligé de me moucher parce que Non, c'est... ça va être affreux. C'est la galère, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment pas pour moi. Le pire, c'est quand t'es sous traitement et que ça ne marche pas. Ouais, alors ça, c'est vraiment le pire. Quoi. Et qu'elles ont décidé de revenir pile poil le jour où tu fais un podcast. C'est pratique, ça. Voilà. Donc, pour ce podcast, on va parler du coup des films d'avril. Ouais. Je sais que c'est du film peu, d'avril. Ouais, du film d'avril. Non, il y en a deux. Ah oui, c'est vrai. Il y en a deux films d'avril. Normalement, Morgane devait être là. Peut-être qu'il va apparaître durant l'émission, on ne sait pas, c'est... Voilà, on n'en sait rien du tout. Peut-être droit à un Morgane furtif dans l'émission. Voilà, c'est ça, on ne sait jamais, mais en tout cas, pour l'instant, on est juste nous deux. On va parler du coup des films du mois d'avril. Je sais que le podcast sort quand même assez tard, mais voilà, plein d'imprévus, etc. Il fallait trouver du temps pour voir le film du mois, qui est quand même... pas un petit morceau, qui est pas un petit morceau, quand même. Ouais, c'est clair. Bah dans tous les sens du terme, du coup. Ouais. C'est ça. Donc voilà. Le sommaire, donc c'est un petit sommaire, mais c'est voilà, on va faire comme ça. On commence avec la Selec, où on va parler de Isle of Dogs, ou L'île aux chiens, de Wes Anderson, et du film 3. De 2004 il me semble, voilà. 3 oui 2004. Ouais, 2004, voilà. qu'on a décidé un peu arbitrairement. Oui. Voilà parce qu'on n'avait pas. Mais on a une très bonne raison. Voilà. Une très bonne raison. c'est clair. Donc voilà, vous allez tout savoir. Enfin, t'as surtout une très bonne raison. Oui. Je n'ai pas ce courage. pas à finir. Enfin bref. Ouais. Bref. On en parlera un peu plus tard. Du coup voilà, on parlera de ce film. En film du mois, donc j'avais dit le gros morceau d'avril, de toute façon tout le monde l'attendait. On va parler de Avengers Infinity War et je vais vous prévenir tout de suite qu'il y aura des spoilers et qu'on va pas faire de partie spoiler parce que ça on fait. On peut pas en parler sans spoiler. Ça fait de toute façon, vous l'avez tous vu là. Vous l'avez tous vu, vous avez tous été spoilés même si vous l'avez pas vu. parce que c'est impossible d'éviter ça, enfin d'éviter les spoilers pour ce film, tellement c'est allé vite sur internet, j'ai trouvé. Voilà. Et enfin, la Minute Nerd, c'est à moi et je vous parlerai d'un petit jeu vidéo que j'ai enfin terminé et que j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Je crois qu'on a tout dit et du coup, on va passer tout de suite à la Selec. C'est parti. On est donc à la première rubrique de ce podcast et on va vous parler du film 3, réalisé par Wolfgang Petersen, sorti en 2004. Voilà, donc c'est le film, on a décidé, comme je l'ai dit, un peu arbitrairement parce que récemment, je me suis lancé parce que ça faisait longtemps que je voulais lire l'Iliade bientôt je lirai l'Odyssée, je ne l'ai pas encore fini, mais c'est en cours. L'Iliade, c'est principalement sur la guerre de Troie. Voilà, c'est un bouquin que je voulais lire depuis très longtemps. Je l'ai enfin lu ce mois-ci et j'ai pris beaucoup de plaisir à le voir. Et du coup, je me suis dit qu'on allait peut-être faire une petite comparaison aussi en même temps avec le film que j'ai vu il y a un ou deux ans, donc j'en ai quand même, et je l'ai vu pas mal quand il était sorti. C'est un film que j'avais beaucoup apprécié quand il était sorti, je me rappelle l'avoir vu assez souvent en DVD, donc j'ai une assez bonne mémoire sur le film, et c'est aussi pour ça que je voulais découvrir le texte original. Donc voilà, film distribution assez grandiose, avec Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger, Brian Cox, Sean Bean, Peter O'Toole, Brendan Gleeson, Voilà, bien sûr, il y a énormément de monde, puisque c'est quand même, ça parle de la guerre de Troie, donc il y a énormément de guerriers, etc. Même s'il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas vraiment d'entité, on ne les voit pas beaucoup comme dans le bouquin, les entités par exemple comme Zeus, etc. On les voit pas, elles apparaissent pas, alors que dans le bouquin... On les évoque quoi, plus. Oui, voilà, et là elles sont très prédominantes dans l'écrit d'Homère, et elles agissent directement sur les actions des héros, et elles influencent directement sur la bataille. Ouais, elles ressemblent beaucoup plus à, du coup, au choc des titans. Oui. Oui, okay. C'est exactement ça en fait. C'est remake comme original d'ailleurs. Oui, exactement. c'est à peu près ça. C'est là, on se concentre plus sur ce film. On se concentre plus sur les humains et sur ce qu'ils font eux. Et c'est pas vraiment les. Ah oui, c'est vraiment une grande fresque dramatique, hein, ouais, clairement. Ouais. Enfin, c'est du grand spectacle, mais intimiste quoi aussi. Oui. Et il y a pas ce que je disais, c'est qu'il y a pas d'action divine qui est montrée directement à la caméra, contrairement à ce qui peut se passer dans le bouquin où par exemple mince, maintenant je vais oublier son Apollon par exemple, il va prendre possession de Hector et il va ouais voilà, enfin, ou de Paris plutôt, pardon, il prend possession de Paris et il tire des flèches à sa place, voilà, et donc c'est quand même plus les actions des dieux qui se répercutent sur les hommes, alors ouais. Que là c'est vraiment concentré sur les hommes, mais voilà. Toi, tu en penses quoi de ce film? Tu l'apprécies du coup? Ah, moi c'est un film que je connais depuis longtemps du coup, parce que je crois que je l'ai vu, j'ai dû le voir 2-3 ans après qu'il était sorti, j'allais pas trop au cinéma à l'époque, enfin hormis en famille quoi. Ouais. Et je me rappelle que j'avais vu la bande-annonce justement au cinéma. Et la bande-annonce était impressionnante déjà. Ouais, parce qu'il y a vraiment... c'était tous les gros moments épiques du film. On sentait qu'il y avait... ils ont vu Le Seigneur des Anneaux et se sont dit « Ah putain, ouais. Il faut qu'on fasse... » en même temps, ça ressemble pas au Seigneur des Anneaux. Oui, voilà, c'est ça. Mais je pense que le succès a aidé au projet à se concrétiser. Quoi. Parce que sans Le Seigneur des Anneaux, je pense pas qu'on aurait eu aussi vite un film sur trois. Ouais. Ouais. Pour une fois que c'est un péplum justement qui parle pas forcément de la romantique, c'est bien aussi, je trouve. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça change. Et du coup, moi, c'est un film que j'ai toujours apprécié quand j'étais plus jeune, parce que voilà, c'était, on t'en prend plein les yeux, quoi. Et c'est que des figures héroïques, donc du coup, tu t'as pas de mal à t'identifier au personnage et il y a ceux que tu aimes, ceux que tu n'aimes pas. Enfin, ouais. C'est très, c'est accessible. Et c'est ce qui fait aussi la force du film, je pense, justement, auprès du grand public. C'est vrai que souvent, c'est considéré, c'est trop grand public. Mais bon, après, un film peut être grand public et... J'aime pas l'argument du « ouais, c'est grand public, donc c'est nul », non. Et moi, je pense que 3, quand je vois, par exemple, la note qu'il a sur Sens Critique, là, 5,4 sur 10, 5,7... Bon, ce qui est en soi pas une si mauvaise note que ça quand tu vois comment certains films sont mieux notés. Ouais. Bref, je me dis que c'est un film qui est peut-être un petit peu sous-estimé parce qu'il a quand même beaucoup de qualité en termes de mise en scène. Je pense que Petersen, il s'est filmé déjà. Ouais. Non, les scènes de bataille sont vraiment impressionnantes. Et le casting, quoi. Enfin, réunir un casting pareil et puis que chacun puisse exister sans... Enfin, ils sont tous extra, moi, je trouve. Hein. Que ce soit Brad Pitt ou Eric Bana en Hector, je trouve très bien aussi. Moi, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié et que j'ai complètement redécouvert quand je l'ai acheté en version longue. Oui, parce qu'elle est beaucoup plus violente. Du coup, ils font pas... C'est une version longue et non censurée, en fait. Ouais. Et c'est assez cru et c'est assez proche du coup de ce qu'on doit lire aussi. Ouais, c'est vraiment... moi, ça m'a choqué carrément. Je m'attendais pas à ce qu'un bouquin de plus de 2000 ans me fasse un effet pareil. Enfin, vraiment, on va décrire la manière dont il l'égorge et dont il étripe son ennemi, etc. Enfin, vraiment, c'est assez impressionnant. Et voilà, donc non, c'est et du coup. Ah, disons que la version longue là, du coup, démontre vraiment toute la volonté d'être assez réaliste en fait dans la manière de montrer. Enfin, c'est vrai que la version cinéma montre vraiment il y a pas vraiment de gentil, il y a pas de méchant entre ouais. guillemets. Enfin, je grossis le truc oui, quoi. Mais ouais. Mais les Troyens sont pas forcément les gentils et les Grecs les méchants. Ouais. Même si c'est les Grecs qui viennent attaquer quoi. Mmh. Mais la version longue du coup joue sur le même truc, mais par contre montre que dans les deux camps il y a des salauds et que dans les deux camps de toute façon, enfin une guerre c'est barbare quoi. Ouais ouais. Et ça c'est vachement bien. Enfin, je sais pas si tu l'as vu la version longue. Non, je l'ai pas vu justement. Et c'est surtout vers la fin, l'assaut de Troie et enfin t'as des bébés qui sont jetés dans les bûchers, t'as des, enfin ouais. C'est assez hard quoi. Et pour un truc grand public, du coup, tu comprends qu'ils l'ont pas sorti comme ça au cinéma. C'est clair. Ouais. Mais c'est vrai que je trouve que la version longue est du coup plus intéressante parce qu'elle va plus au bout des choses quoi. Ouais, ouais. Non, mais elle est longue du quasiment une heure de plus, je crois. Ah oui, d'accord. Où le film en version ciné doit faire déjà 2h43, et je crois qu'en fait, avec la version longue, on doit être aux 3h10, 3h20. Quoi, ouais, ouais, d'accord, ok. Ouais, c'est vraiment. C'est une vraie version longue. Ouais. Oui, c'est une vraie version longue. Et du coup, ce qui m'a aussi étonné en lisant l'Iliade, c'est que Achille ne meurt pas dans l'Iliade. Oui. Oui, il n'est pas tué dans l'Iliade. D'ailleurs, rien n'est mentionné par rapport à son talon, que ce soit dans l'Iliade ou dans l'Odyssée. C'est d'autres écrits. L'Odyssée pour le moment. T'as pas vu la fin. Oui, mais j'ai recherché parce que je me suis dit à la fin de l'Iliade, on n'a même pas parlé du talon d'Achille. Et du coup, j'ai regardé sur Wikipédia et sur d'autres sources et ils disent que le talon d'Achille c'est une invention plus tard. C'est quelque chose qui est venu plus tard par rapport à Homère et c'est pas lui qui a inventé ça. Ouais. Donc ouais, il y a pas mal de, par exemple le cheval de Troie, c'est pas non plus dans l'Iliade, c'est dans l'Odyssée. Il y a des petites choses comme ça. En fait, ouais. L'Iliade se termine quand Hector est mort en fait. Voilà, quand Achille tue Hector et que après Hector se retrouve la dépouille d'Hector se retrouve dans Troie et qu'on célèbre entre guillemets la mort, enfin voilà, en le mettant dans le bûcher, etc. Mais ouais, c'est ça m'a vraiment surpris en lisant le donc bouquin. L'Iliade ne montre pas l'assaut de Troie. Non, c'est l'Odyssée en fait qui raconte comment Troie est prise par les Grecs. C'est ça. Est prise. Et réduite ensemble, oui. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est plus. L'Iliade, c'est vraiment, si on veut résumer, c'est l'histoire d'Achille, même si Achille, pendant les 300 premières pages, il reste à bouder dans son coin. Et l'Odyssée, c'est vraiment concentré sur Ulysse, ce qu'il a fait. Donc, c'est lui qui a trouvé le cheval de Troie, etc. Enfin, voilà. Donc, c'est... c'est vraiment assez intéressant, en fait, de lire après avoir eu toute cette culture balancée à différentes formes. Mais en retournant aux origines, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont quand même changées. Mmh. Et c'est très intéressant. Et le film est vraiment cool. Hein, pour découvrir le mythe, etc., c'est vraiment, enfin, je trouve que c'est très bien fait. Et en ayant mon regard de lecteur, du coup, de maintenant je peux voir avec, ça me paraît, enfin, bien sûr, il y a des simplifications, il y a des elles sont pas nécessaires du coup pour qu'en fait le film a une vraie finalité, s'il l'avait vraiment fait comme dans l'Iliade du coup. Juste la mort d'Achille, enfin, on ne sait pas ce qui se passe après, d'Hector, oui. On ne sait pas ce qui se passe après, je pense ça. Que c'était nécessaire aussi que le film aille au bout de... C'est clair, et ils n'auraient pas fait deux parties, enfin voilà, ça aurait été complètement idiot. D'où l'intérêt de condenser les deux, quoi. C'est clair, ouais, donc voilà, c'est pour ça que c'est dit que c'est librement interprété, librement adapté de l'Iliade, donc voilà. Non, mais c'est vraiment un film que je vous conseille de re-regarder si vous ne l'avez pas vu depuis longtemps, ou même de le découvrir si vous ne l'avez jamais vu, parce que c'est un très bon film, en fait. Et voilà, donc Wolfgang Petersen, c'est quand même pas c'est un mec qui a fait des énormes films, Das Boot, c'est des enfin un film que j'ai pas vu par exemple, mais je sais que c'est vraiment quelque chose qui est assez énorme. C'est un réalisateur d'action, Il a fait aussi L'Histoire sans fin, le premier, qui est un de mes films préférés. Il a vraiment été un peu partout, et il a fait un peu de tout. L'avant-dernier film qu'il avait fait, c'était Poséidon. Apparemment, c'était pas génial. Encore une fois, moi je déteste pas Poséidon. Ouais. Je l'ai en DVD, je le revois. C'est un très bon film pour se vider la tête, ça c'est clair. Ouais. C'est un excellent film d'action. Ouais. Et l'original était bien de Poséidon. Mais c'était l'époque où on faisait vraiment ces films d'aventure, oui, action. Ouais, ouais. C'était la grande époque de ça, et là en fait il le modernise, mais il garde vraiment le même si finalement c'est plus moderne, le film est plus court, et il y a beaucoup de raccourcis, mais par contre il y a un truc qui moi me marque tout le temps quand je revois ce film, c'est la tension. Mmh. Il s'est vachement bien géré, je trouve, l'angoisse et la tension en fait dans les scènes où parce que c'est un survival du coup. Oui, donc oui. Ça fonctionne bien. Après oui, c'est clair que c'est pas son meilleur film. Moi par contre j'aime bien dans les films qu'il a fait, j'aime bien En pleine tempête. Oui je ouais, ouais. Celui-là il est vraiment bien, ouais. Ouais. Donc c'est vraiment un bon film, moi je vous le conseille encore, c'est à redécouvrir, et puis si vous avez le courage de vous lancer dans la lecture, ça peut être impressionnant au début, parce qu'il y a beaucoup de noms qui nous sont lancés à la figure, et si on n'est pas adepte de tout ce qui se... enfin, toute la mythologie grecque, etc., c'est un peu compliqué au début, on va dire les 50 premières pages étaient un peu compliquées pour moi, parce qu'il fallait toujours que je retourne vers les notes pour comprendre ce qui se passait. Mais après, l'histoire en fait se déroule vraiment de manière assez fluide, et vraiment, enfin, c'est très bien raconté, et c'est super bien écrit. Donc voilà, moi si je peux vous donner un conseil, c'est aussi tenter de le lire. Je sais que c'est dur au début, mais ça vaut vraiment le coup parce que l'histoire est vraiment super bien dans le bouquin aussi. Voilà, voilà, voilà. Tu as quelque chose à rajouter ? On passe à la suite ? Pas spécialement, non, c'est bon. Ok, on passe à la suite avec un film que j'attendais particulièrement. Plus que moi, oui, forcément. Oui, je crois qu'il était premier ou deuxième de mon attente de 2018. D'ailleurs, c'était Adrien qui me l'avait volé, d'ailleurs. Enfin, à chaque fois, il disait... Oui, moi aussi, je l'attends. voilà. L'Île aux chiens, réalisé et écrit par Wes Anderson, qui est sorti en France le 11 avril 2018. Un casting original et voix française qui est assez impressionnant. Je l'ai vu en VO, mais je vais quand même vous dire pour la VF. Donc, la VO, on retrouve Bryan Cranston, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum, Bob Balaban, Liv Schreiber, Greta Gerwig, Frances McDormand, Scarlett Johansson, Harvey Keitel, Yoko Ono, Koyu Rankin, Kunichi Nomura. voilà. Pardon. Donc... Kunichi Nomura. Je ne connais pas. C'est les acteurs japonais du coup, puisque ça se passe. Ouais. Au Japon aussi. Et niveau VF, c'est aussi assez impressionnant. Vincent Lindon, Romain Duris, Hippolyte Girardot, Mathieu Almaric, Yvan Attal, Daniel Auteuil, Greta Gerwig, Isabelle Huppert, ouais. Louis Garrel, Léa Seydoux, Jean-Pierre Léo, Aurore Clément. Enfin voilà, donc c'est pas un petit casting, quoi. C'est des vrais comédiens qui doublent, pour le coup. C'est, voilà, c'est ça. Et ça fait toute la force du film. Je ne l'ai pas vu. J'ai vu juste la bande-annonce en VF, qui est vraiment pas dégueu, du coup. Donc, je vais... Enfin, vraiment... Que vous l'ayez vu en VF ou en VO, mais je pense que... Tu n'aurais pas de scrupules à le voir en VF. C'est ça, voilà. Contrairement à d'autres films où j'aurais peut-être un peu plus de mal. Mais comme, en plus, c'est un film d'animation, ça passe beaucoup mieux qu'un film live action en fait de Wes Anderson, par exemple Grand Budapest Hotel. Je l'avais vu en VF parce que j'étais obligé, et j'avais aimé le film, mais je l'ai beaucoup plus aimé après l'avoir découvert en Blu-ray en VO. Ouais, d'autant plus que Ralph Fiennes a vraiment une diction et un phrasé assez particulier. Oui, c'est ça qui fait toute la comédie en fait. Et du coup, c'était pas très bien reproduit dans la VF. Mais là, franchement, je pense qu'on peut se fier à tous ces acteurs. Donc, voilà. Deuxième film d'animation en stop motion, film d'animation tout court, pour Wes Anderson, après Fantastic Mr. Fox, qui était une adaptation de Roald Dahl. C'est un scénario original écrit par lui. Donc, je vais juste raconter rapidement le synopsis, enfin le début du film. Donc, ça se passe dans un futur dystopique, dans la ville japonaise de Megazaki. Un virus de la grippe canine se propage dans toute la population canine. Le maire autoritaire Kobayashi signe un décret bannissant tous les chiens à Trash Island, ou l'île des déchets. Bien que le scientifique Watanabe insiste sur le fait qu'il est sur le point de trouver un remède, le premier chien à être banni est Spots, qui appartenait à Atari Kobayashi, le neveu orphelin et pupille du maire. Ça va pas spoiler puisque c'est dans la bande-annonce. Atari il s'enfuit de chez lui, il vole un avion en fait et il s'envole vers Trash Island pour retrouver Spots. Et après le crash, l'enfant est sauvé par les chiens Rex, King, Duke, Boss et Chief. Donc c'est une bande en fait de chiens, puisque comme le nom l'indique du film, c'est une île où il n'y a que des chiens. Les chiens forment forment des bandes pour trouver de la nourriture, le peu de nourriture qui reste sur cette île. Et va s'en suivre pas mal de péripéties, etc. C'est un film que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a pas surpris parce que je savais que j'allais l'aimer. C'est un film assez simple, que ce soit au niveau... Je trouve que Wes Anderson fait toujours des films, il part sur une base très simple, que ce soit scénaristique, scénaristiquement parlant, je veux dire, et il ajoute sa manière de faire, en fait, pour créer quelque chose d'unique, vraiment, et je trouve que ça fonctionne encore très bien, là, c'est la première fois qu'il allait au Japon. Qu'il allait s'occuper de quelque chose en dehors des États-Unis ou de la première fois qu'il allait au Japon, pardon, je me perds un peu dans les mots. Je trouve que c'est très réussi, justement l'appropriation qui s'est fait de la culture, c'est vraiment très bien fait, très respectueux, que ce soit par exemple au niveau des sous-titres, quand les gens parlent japonais, il y a souvent c'est très malin, je trouve, parce qu'il y a souvent un traducteur, parce que ça passe à la télé ou des choses comme ça. Enfin, ils trouvent toujours un moyen très intéressant de pas mettre de sous-titres en fait sur le japonais, et du coup de laisser se faire la narration de manière assez naturelle. Il y a les sous-titres français pour ceux qui vont le voir en VO, mais à part ça, il n'y a pas de sous-titres. Même quand les gens parlent japonais, par exemple, il y a une scène où ils parlent japonais, il met pas de sous-titres, il n'y a pas de traducteur, et on comprend quand même parfaitement parce que il y a la qualité de l'animation qui va avec, il y a la qualité de la réalisation aussi, qui fait que la scène est tout à fait compréhensible, même sans avoir compris un seul mot de ce que les personnages disaient. Donc voilà, c'est vraiment Wes Anderson dans ce qu'il fait de mieux, je trouve. Narration visuelle, quoi. C'est ça. La stop motion, ça lui va très très bien. Je trouve que c'est un mode d'animation qui lui correspond parfaitement et qui lui permet de faire tous ces petits effets visuels qu'il apprécie énormément. Mais en même temps, on sent qu'il essaye quand même de s'en débarrasser un petit peu, parce qu'on je pense qu'on n'a pas arrêté de lui répéter « Ouais, tu fais... » T'es un cinéaste de la symétrie, etc. T'es obsédé par la symétrie. Bien sûr, il est toujours un petit peu obsédé par la symétrie. C'est un peu sa marque de fabrique. Mais on sent sur certains plans qu'il essaye de s'en éloigner, qu'il essaye de tenter des choses différentes. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ça. Donc voilà, que ce soit artistiquement, au niveau de la réalisation, c'est assez impressionnant, vraiment. Je me suis pris une claque pendant les 1h20, à chaque fois, il y a des nouvelles manières d'animer, des nouvelles manières de déplacer la caméra. C'est toujours super intéressant. En fait, on s'ennuie pas, même si on n'aime pas le style Wes Anderson, je pense qu'on s'ennuie pas visuellement parce que ça bouge de partout, c'est dans tous les sens, il y a toujours des petites idées, que ce soit bien fait ou pas bien fait, selon les avis, je trouve que c'est toujours très intéressant en fait, il expérimente, et bien sûr quand on expérimente, ça peut fonctionner enfin bien ou pas bien, et voilà, et moi j'aime beaucoup ce film, je l'ai beaucoup aimé. C'est pas non plus le film de l'année, il y a une petite baisse de rythme au bout d'une heure de film, pendant 5-6 minutes on va dire que c'est un peu lent, mais après c'est peut-être voulu, mais je me suis un peu ennuyé pendant 5-6 minutes, mais à part ça enfin vraiment je me suis éclaté pendant quasiment tout le film, et l'histoire est simple, mais c'est ce qu'il en fait qui est intéressant, et voilà. Donc même si vous connaissez Wes Anderson et si vous aimez Wes Anderson, vous êtes sûrement allé le voir, ou vous savez ce que vous allez aller voir, et je vous conseille justement de regarder la bande-annonce si vous ne connaissez pas avant de vous lancer, parce que c'est quand même assez spécifique. Je sais que Eddie n'aime pas particulièrement le style Wes Anderson, ce qui est totalement compréhensible. Moi je les classe un peu dans les réalisateurs anglais comme Terry Gilliams, etc., qui ont un style. Moi, je suis pas fan de Terry Gilliams. Ouais, voilà, c'est ça. C'est justement pour ça que je les classe dans la même catégorie, parce que je sais que toi et Morgan, par exemple, vous n'aimez pas ni Terry Gilliams ni Wes Anderson. Morgan, il aime bien, je crois, Wes Anderson. Wes Anderson, il n'était pas non plus. Enfin, il n'est même pas allé voir L'île aux chiens, donc. il a pas été. Non, il n'est pas été. Donc. Donc, ouais, non, il n'est pas non plus. Il n'est pas non plus accro à son cinéma, mais voilà, il y a quand même. Ah oui, je voulais juste parler aussi de la musique de Alexandre Desplat, qui est vraiment vraiment cool. On voit dès le début avec des tambours traditionnels japonais la scène d'introduction qui est juste géniale, et vraiment voilà, même sans le visuel, la musique fonctionne parfaitement, et moi je l'ai écouté deux ou trois fois, même sans voir le film bien sûr, et je l'aime beaucoup, donc voilà, c'est un petit film, c'est pas un gros film qui va vous en mettre plein les yeux tout le temps, mais c'est un petit truc qui est bourré d'idées en fait visuelles, et qui franchement ne vous ennuiera pas, je pense, si vous aimez le style Wes Anderson. Voilà, il faut être converti à la secte. voilà. Après, on parlera d'une autre secte. Ouais. Oui, c'est clair que c'est pas pour tout le monde. Mais voilà. Je vais pas te poser la question. Si, ouais, j'ai c'est... pas forcément non beaucoup de choses à dire. Ouais, enfin, ouais. Après. Est-ce que tu pourrais le tenter? Bah, c'est un peu comme Mr. Fox, je pense que c'est peut-être ceux qui m'entrerait le plus chez Wes Anderson. Parce que c'est de l'animation, c'est peut-être un peu plus facile de rentrer dedans. Mais après, moi, c'est que je suis pas fan de son humour et de. Je suis pas fan de son traitement des animaux en plus dans ses films. Ouais. Parce que dans les deux que j'ai vus, que ce soit Grand Budapest Hotel ou Moonrise Kingdom, les animaux prennent cher la plupart. Ça m'ennuie un peu. Enfin, je vois pas l'intérêt en fait. Et c'est souvent traité sous le couvert de l'humour en plus. Et, et ça me fait pas rire. Donc c'est vrai que j'ai un espèce de blocage avec ça. Donc du coup, puis je sais pas, je suis pas fan. J'ai du mal à rentrer dans ces histoires. Enfin, c'est vrai que au niveau de la narration et des sujets qu'il traite, il a vraiment du mal à me toucher. Ouais. Et ça m'a surpris parce que sur Moonrise Kingdom, pourtant, les sujets qui touchent de l'enfance et tout, en général, ça me parle. Mm-hmm. Et là, pas du tout. Donc, ouais. Voilà. Et non, après, mais... moi, c'est vrai que son style maniaque et tout, le côté maquette, un peu, ça me. Ouais, c'est très particulier. Hein, ouais, c'est... je suis pas forcément friand non plus, ça me. Voilà. Mm. Donc bon, ouais. Après, c'est très bien si ça plaît, mais c'est vrai que moi, j'ai un peu de mal avec ça. Mais du coup, je me dis que l'animation. Ouais, peut-être plus parce qu'on est vraiment dans du stop motion, donc du coup, c'est bête à dire, mais la maquette se justifie plus, quoi, déjà. Oui, c'est ça, et puis donc, même au niveau de l'histoire, c'est clairement l'insurrection des animaux, enfin, c'est plus aussi, enfin, je vois de quelle scène tu parles, et oui, c'est clair que par rapport à Moonrise Kingdom et Grand Budapest, c'est pas... Bah, Moonrise Kingdom, ouais, le chien... Ouais, ouais, c'est pas le truc... Jack Russell, là, avec les flèches, et puis le... en Grand Budapest, c'est le chat de Jeff Goldblum. Mm-hmm, ouais, non, c'est pas le et truc le plus fin. Dans Grand Budapest, c'était typiquement la scène qui est là pour faire rire, et ça m'a pas fait rire du tout. Mm-hmm, ouais, ouais, ouais. Ouais, je vois complètement. Et là, franchement, je pense que ça pourrait te plaire, surtout qu'il est pas très long, que l'histoire se suit facilement, que ouais non ouais. Franchement c'est, voilà, moi j'ai passé un très bon moment. Donc voilà, on a fini avec cette sélec. Si Morgan avait été là, il nous aurait parlé de Dans la brume, mais du coup je vous invite à lire sa critique qu'il a postée sur Movies Nerd, sa première critique écrite. Donc voilà, si vous voulez connaître son avis, moi j'ai pas pu voir le film, donc je sais que, enfin, toutes les personnes qui ont vu le film, j'ai vu des retours assez bons. Voilà, c'est assez impressionnant pour un film français qui fasse l'unanimité comme ça. C'est assez, ouais. Donc voilà, on va passer tout de suite du coup au film du mois. On est donc à la rubrique principale, le film du mois du coup de ce podcast, c'est Avengers Infinity War, film gigantesque partout, enfin vraiment c'est partout en fait, parce que vu ce qu'il a rapporté à Disney, c'est le plus gros film de tous les temps, que ce soit au niveau de la première semaine de sortie ou en plus grosse sortie mondiale de tous les temps. Voilà, il a rapporté 630 millions de dollars au niveau de la sortie mondiale pour l'instant. Hein, et c'est pas, oui, c'est pas fini. Ouais. C'est pas fini. Enfin, 630 millions de dollars en première semaine. Hein. Voilà, entendons-nous voilà. Bien. Voilà, donc c'est assez gigantesque. Ça a dépassé Star Wars, hein, ce qui est quand même étonnant. Mais, T'es sûr? Ouais, ouais, ça a dépassé Star Wars. 630 millions ? Ouais, ouais. Mais en fait, ça a dépassé Fast and Furious 8, qui était le plus gros. Oui. Et Star Wars 7, qui était le plus gros aux États-Unis. Et c'était pas... Le 8 ou... Et dans le monde, non, c'est pas Jurassic World qui a franchi 1 milliard de dollars la première semaine ? J'ai peut-être des fausses informations. Il me semblait, je sur crois. Wikipédia. En tout cas, c'est... Si ils avaient fait un spot et tout. Ouais. En tout cas. Premier film dans le monde où j'ai vu quoi. Enfin... Ouais. Ah oui, oui, c'est possible. Ouais, bon. En tout cas, bref, là, ils sont presque à 2 milliards en mondial au bout de 4 semaines. Donc, voilà. Ouais. pour un budget de 420 millions. Donc, film réalisé par Anthony et Joe Russo, qui étaient occupés du Captain America 2 et 3. Voilà, c'est bien ça. Ouais. Sorti en France le 25 avril 2018. Donc voilà, ça fait un mois à peu près qu'il est déjà sorti. Casting, je suis déjà fatigué à l'idée de lister le casting. Ouais. Voilà, donc bon courage. Tous vos super-héros préférés. Josh Brolin du coup qui apparaît cette fois-ci vraiment en Thanos, puisqu'on l'a vu pour la première fois en 2012 à la fin de premier Avengers. Mais c'était là, hein, la première apparition. J'ai un doute maintenant si enfin, la première apparition. Si c'était il était évoqué plus tôt que ça normalement. Ouais, mais j'ai un doute si c'était Captain America ou Avengers en fait. À la scène post générique. J'ai un doute maintenant. Bref, ouais, j'en perds le bah le voilà, film. On en perd le fil. donc voilà, Josh Brolin, Thanos. Ensuite, Chris Hemsworth, Robert Downey Jr., Chris Pratt, Mark Ruffalo, Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Chris Evans, Chadwick Boseman, Scarlett Johansson, David Bautista, Zoe Saldana, Elizabeth Olsen, Bradley Cooper, Paul Bettany, Sebastian Stan, Anthony Mackie, Don Cheadle, Danai Gurira. Oui. Peter Dinklage, tu l'as dit Non, pas encore. Karen Gillan, Vin Diesel, Peter Dinklage, Benedict Wong, Tom Hiddleston, j'en oublie sûrement. Idris Elba, Benicio del Toro, William Hurt, Samuel L. Jackson à la fin, apparemment. C'est le premier film avec Oui, oui, oui, à la fin, oui. Moi, je ne suis pas resté jusqu'à la fin. Bah, parce que... du coup, la fin, bon, je spoil. Non, mais elle est sur Wikipédia, de toute façon. Et si... La on fin vous a prévenu, annonce on vous Captain Marvel. En ouais, fait. Voilà, c'est ça. Je l'ai lu, en fait, sur Wikipédia. Je me suis dit, bon, je ne vais pas me faire chier à attendre tout générique parce que déjà, j'en pouvais plus, là, au bout de 2h30. Donc, c'est le premier Marvel où je suis sorti avant la fin, je sais. C'était quoi le dernier Marvel que tu avais vu au cinéma? Les Gardiens, hein? Ouais. Ouais, j'avais pas vu. Attends. Non, Spider-Man. Ah oui, exact. Derniers, ouais. C'est vrai. Spider-Man, et après, j'avais pas vu Black Panthers. Ah non, Thor. Bah oui, Thor. Ah oui, t'avais vu Thor. Thor, c'était cool. Ouais, voilà. Thor, c'était le dernier que j'ai vu. En salle, en tout cas. Donc voilà. Ragnarok. Bah, du coup, très bonne transition. Ça reprend directement après Thor. Oui, ouais. Donc, oui, c'est. En tout cas, je pense que pour vraiment l'apprécier pleinement, il faut avoir vu tous les films. Il faut avoir vu toutes les phases, là. Ouais, sauf peut-être Ant-Man, qui n'est pas nécessaire. Ouais, du coup. Parce qu'il apparaît pas. Voilà. Ouais. Je sais pas pourquoi, vraiment, mais. Et on connaît pas du tout son sort, en plus. Enfin, moi, je le connais pas. Ouais, oui, de toute façon, il apparaîtra dans un film pendant cet été, donc voilà. Ouais, oui, donc déjà, c'est... Si à la fin, on le voit disparaître, on saura ce qui s'est passé. Après, on ne sait pas si les films qui vont sortir maintenant... seront reliés... Bah, du coup, on ne sait pas si... Mais déjà, on ne sait pas s'il se passe avant ou après les événements d'Infinity War. Ouais, ouais. Ça, ce sera à voir, vraiment, parce que, ouais, il n'y a aucune information. En tout cas, la suite d'Infinity War, donc Avengers 4, sortira dans un an, normalement, donc en mai 2019, c'est déjà annoncé. Donc voilà, ceux qui ne peuvent plus attendre de savoir ce qui s'est passé, le sauront dans un an. Voilà, alors, c'est un peu compliqué de résumer ce qui se passe dans le film. Parce que c'est dans tous les sens et vraiment c'est plutôt bien fait la façon dont c'est tout est mis ensemble voilà c'est vraiment ça c'est une des qualités qu'on peut pas lui enlever même si on apprécie pas le film c'est bien fait au niveau de la comment dire de relier tout ça ensemble, relier tous les univers ensemble, tous les films, et de faire quelque chose d'à peu près cohérent avec, c'est bien fait. Je vais peut-être te donner la parole rapidement pour te demander ce que tu en as pensé. Est-ce que tu étais surpris par la fin? Surpris, un peu parce que en fait. En fait, le film au départ devait être coupé en deux, c'est ça, hein ? Ouais, c'est ça. Et du coup, il n'était plus coupé en deux après. Mm-hmm. Enfin, tel qu'il est maintenant. Et donc, moi, j'y allais en me disant. Tu vas avoir une histoire début, milieu. Bah oui, en fait. Je pensais que ça allait se clore ici, qu'il allait avoir des choses importantes. C'est pour ça que ça donnait lieu à Avengers 4 dans la foulée, en fait. Ouais. Mais je pensais pas que en fait il n'allait rester parce que oui on spoil hein. Non mais on spoil. Je pensais pas qu'il n'allait rester en fait que les Avengers originels en fait. Mm-hmm. Ouais. Donc ça m'a un peu surpris tous les nouveaux et ce sont tous moi ce que j'adore c'est Black Panthers, tu sais il y a eu tellement la hype il y a 2 mois deux mois après hop c'est parti paf, il est plus là. Plus de Black Panther. Alors après on sait pas ce que devient sa sœur. Ouais. Voilà, Ant-Man, du coup, on sait pas ce qu'il devient non plus. Mais c'est vrai que, il reste vraiment les héros originaux, quoi. Ouais, et moi, en fait, je pensais que. Alors, quand ils nous ont dit qu'il y aura des morts dans ce film, moi, je m'attendais à ce que ça soit des scènes plus comme celle du début avec Loki, par exemple, ou Heimdall. Je m'attendais à ce que, il y ait des personnages, leur arc narratif sont terminés et ça se clôt ici, quoi. Ouais, je m'attendais plus à ça, mais en fait, c'est vraiment. En fait, il y en a plein qui meurent, on sait qu'ils vont tous revenir, enfin, on s'en doute. Hein, Oui. C'est évident, enfin... Sous une forme ou sous une autre, hein, sous cette forme ou sous une autre, hein, c'est... Voilà. Ils reviendront. C'est... De toute façon, les possibilités qu'ils ont, c'est soit ils vont continuer dans cet univers où il n'y a plus les nouveaux et ils vont... Dans le prochain, ils vont passer dans un multiverse et du coup, il y aura par exemple Thor en femme ou des choses comme ça. Ça, c'est une possibilité, ce qui s'est déjà fait dans les comics. Ou alors, ils vont revenir dans le temps avec, avec un... Thor en femme, non, parce que il n'est pas mort, Thor. Oui, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que soit ils vont passer... Parce que de toute façon, c'est la fin de leur contrat, pour parler vraiment... Mais en fait, c'est ça, c'est vraiment ça. Tu vois pas mal de monde signer la fin de leur contrat, là, en direct. Après, on se doute bien qu'il y en a vraiment qui vont revenir tels qu'ils sont. Genre Tom Holland, on sait qu'il va revenir en Spider-Man. Oh, il y a un Spider-Man Homecoming 2, en plus. Oui, voilà. Mais, oui. Non, mais... C'est, voilà, pour moi, c'est... C'est un des problèmes du film, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu. Même s'il se passe ça, on sait qu'ils vont revenir. Parce que ils seraient complètement bêtes d'arrêter complètement, parce que vu ce que ça rapporte. C'est, voilà, mais surtout qu'on le sait qu'ils n'arrêteront pas. Mais non, ils n'arrêteront pas. On en a encore pour 30 ans, là. Mais vraiment. C'est le temps que plus personne ne s'y intéresse, je ne vois pas quand ça arrivera. Parce mais il y aura toujours du monde pour s'y intéresser. En fait. C'est ça le souci. Enfin, je dis le souci parce que pour moi, c'est vraiment. Ça rend le truc vraiment inintéressant au possible. Parce que quoi qu'il se passe, même si Spider-Man il fait Monsieur Stark, je me sens pas très bien, il va revenir dans le prochain film. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt. En même temps, vous pouvez entendre dans ma voix qu'il y a une certaine fatigue par rapport à Marvel. Je le cache pas depuis quelques mois déjà. Vraiment, c'est des films qui m'intéressent de moins en moins. Et vraiment, plus je revois, à chaque fois que je revois Avengers premier du nom ou un autre Marvel, sa note baisse dans mon estime clairement parce que. C'est vraiment, on voit toutes les ficelles, mais en même temps, on a l'impression de revoir à chaque fois le même film. Je sais que c'est le cliché de dire ça, mais en même temps, c'est un peu vrai, quoi. Il faut se l'avouer. Et c'est pas parce que je suis fan de DC, hein. J'ai défoncé Justice League, peut-être, de manière assez, qui méritait pas. Mais en tout cas, c'est la recette super-héros, moi, qui me fatigue vraiment. Ouais. Et C'est cet univers étendu c'est pas le problème d'avoir un univers étendu tant que ça reste cohérent et intéressant. C'est ça, ouais. Mais là c'est que le souci, c'est ce qui est souvent reproché à Marvel et malheureusement c'est un peu vrai. C'est vrai que Black Panther j'avais bien aimé quand même, je trouvais que ça se détachait, c'était différent déjà. Visuellement, ouais. Visuellement, ouais, il y avait d'autres trouvailles. C'est pas comme Spider-Man Homecoming qui était quand même assez balisé, quoi. J'ai passé un bon moment, mais c'est clair que c'est pas le plus convaincant de ceux qui sont sortis dernièrement. Ouais. Là, ceux qui me restent vraiment, les derniers, c'est les Gardiens de la Galaxie, surtout, quoi. Ouais. Et en fait, c'est vrai que c'est le souci de Marvel, c'est que tous les films évoluent à peu près de la même manière, et avec des incidences plus ou moins importantes sur les grands films choraux, en fait, qui sortent à intervalles réguliers. Ouais, ouais. Celui-là, moi, je l'aime bien, mais... Parce qu'après, voilà... Est-ce qu'on en fait le plus grand film de super-héros tous les temps? Ah non, complètement pas. Ah non, non, non. Comme beaucoup, non mais clairement pas. Pour moi, après voilà, je suis pas un pro Marvel ou un pro DC Comics, mais c'est vrai que je revois Batman v Superman. Pour moi, je trouve qu'il a plus d'impact. Moi personnellement, il m'a plus impacté rien que dans son propos déjà. Ouais. Oui, parce que là, clairement, moi, je crache pas sur les films entertainment. Hein, c'est très bien qu'il y ait des films entertainment. Mais 10 ans de films entertainment sans vraiment aucune. aucune incidence sur ce qui se passe. Enfin, vraiment, on fatigue. Et c'est très bien si les gens aiment ça. De toute façon, moi, c'est pas moi avec mon petit avis qui va détruire la franchise Avengers. Hein. Ils sont plus forts que jamais, donc là, il n'y a pas de souci à avoir là-dessus. Mais c'est clair que maintenant, avant, j'allais les voir tous parce que c'était quelque chose d'assez nouveau. Et en même temps, enfin, au bout de 5 ans, on commençait quand même à se dire, oui, on va voir les films parce qu'on est un peu obligé, parce qu'on suit on suit la série et on a envie de savoir ce qui se passe. Et moi j'y vais parce que c'est ça hein. Et là et là et je et le du coup Infinity War a confirmé que bah oui de toute façon il faut parce que sinon j'aurais rien capté. Il y a plein de trucs que j'aurais pas saisi. Oui, c'est clair. C'est de toute façon, c'est comme une série télé, quoi. Et du coup, ça a ses bons côtés et ses mauvais côtés. Et moi, je trouve que là, actuellement, il y a plus de mauvais côtés. Vraiment. Après, pour parler des choses positives, parce que moi, pour être honnête, sur Sens Critique, je lui ai mis un 5. Comme la plupart des films Marvel. Sauf Gardien de la Galaxie, parce que je les garde quand même un peu plus dans mon cœur que les autres, parce qu'il y a James Gunn derrière, etc. Même si dans ce film, ils ont commencé quand même à m'ennuyer un peu, je Ah trouve. oui. Ouais, je trouve que par exemple, ils étaient plus aussi marrants que dans le 2, quoi. Peter Quill ou Drax même. Je trouvais que Drax, il commençait à être un peu chiant, quoi. Voilà, donc. Après, moi, c'est vrai que tout ce qui tourne autour de Gamora dans Infinity War, ça m'intéressait quand même. C'est. C'est Oui. peut-être ce qui m'a le plus touché, je pense. Oui, Parce qu'on en apprend plus sur elle, et puis bah, elle a un lien direct avec Thanos. Et d'ailleurs, Thanos, pour le coup, c'est vraiment un méchant, intéressant. Oui. Moi, je trouve quand même, parce que. Après, il a des motivations, bon, de méchant, quoi, mais. Là, il est dans la comté, tu sais, maintenant, actuellement. Donc, ça va. Il est heureux dans la comté. Il est avec les hobbits et tout. Mais à la fin, je trouvais que ça faisait très comté, tu sais, la petite hutte avec plein de verres, avec Ah oui. plein. Non, tu sais, oui, il arrive à la fin là, dans sa, enfin, et c'est bon, il a tué la moitié de l'univers comme il voulait. Et Ouais. du coup, il arrive à la fin dans ce truc paradisiaque. Sa petite hutte, et il fait, c'est bon, je l'ai fait. Voilà, il a Ouais. plus. Non, et moi, j'ai ça m'a fait penser à la Bill comté, Bond qui à la revient comté, voilà, c'est de. ça. Ouais. Qui a vaincu le dragon et tout, ouais. Exactement. Non, mais oui, c'est clair que par rapport à d'autres méchants de l'univers Marvel, ce serait bête de ma part de dire qu'il est moins intéressant que la plupart, parce que Bah, il est ils plus enfin. intéressant qu'Ultron déjà. Oui, voilà, il est plus intéressant qu'Ultron, il est plus intéressant que. Enfin, je sais même plus ce qui se passait dans le premier, qui était le méchant. Enfin, c'était Bah, une c'était bête. Loki, mais. Ouais, c'était. C'était Ouais. des bestioles, quoi. C'était orchestré par Loki, quoi, surtout. Oui, voilà. Et bon, voilà. Mais moi, je me suis quand même ennuyé pas mal durant le film. Je trouve qu'il est quand même assez long, trop long, peut-être. Ouais. Après, il y avait beaucoup de choses à dire. Donc, c'était un peu forcé. Ça, c'est vraiment un avis très personnel. Et je comprends pourquoi ils ont dû le faire à 2h30, parce que tu peux pas faire un film de moins de 2h30 qui raconte autant. Donc, voilà, tu Ouais. sens qu'ils ont vraiment bien bossé sur la manière de compacter toute l'histoire pour que ça reste compréhensible et qu'ils puissent en dire le plus possible. Mais voilà, donc ça c'est vraiment le côté objectif de ce que je veux dire. Mais voilà, moi je le trouve assez moyen en fait, le film. Et pas plus bon ou pas moins bon qu'un autre Marvel en fait. Et Alors en c'est. fait, j'aurais envie de dire que si je devais enfin, parmi les trois Avengers sortis jusqu'à maintenant, bon, mon préféré, ça reste le premier. Qui, bon, voilà, c'était le premier. C'était, pour bon, le coup, c'était original. C'était Oui, ça sortait de fun l'ordinaire. et ça fonctionnait très bien. Mais après, ce serait celui-là parce que bah, je trouve que le film est plus intéressant en fait qu'Avengers 2. Mais en fait, je me rends compte que je devrais. Que en fait, celui-là, même si moi, il m'intéresse plus. Mais il propose enfin Avengers 2 en fait dans sa démarche était plus enfin était plus satisfaisant parce que il y avait une fin. Il était en cours en fait de phase. Ouais. Enfin, oui, c'était au milieu de la phase 2 et pas. Ouais. En fait, ouais. Il Mais là aussi, c'est la milieu de la phase 3. Hein. Non, c'est la fin, je crois, non. Non, puisque là, il y a Captain Marvel, il y a Ant-Man. Ah, oui. Et après, Avengers 4 qui finit la phase 3, normalement. D'accord. Ah oui, ok. Il me semble, hein, si je me. La phase 4 n'a pas débuté. Hein. Donc, ouais. La phase 4, c'est quand tout le monde est mort et qu'on recommence à zéro. Ouais, je sais pas. c'est ce qu'ils avaient annoncé normalement. Donc, Ah oui, d'accord. Ouais. Et en fait, c'est ça, c'est que bon, bah, Avengers 2, ok, il y avait, ah, voilà, le méchant était battu et les Avengers. Bon, après, ça donnait lieu, du coup, ça faisait écho. Et Civil War faisait écho à Avengers 2, et là, c'était intéressant, je trouve, par rapport aux pertes humaines et tout ça. Ouais. Mais en fait, moi, j'attendais vraiment que Infinity War. Propose une fin en fait, enfin une certaine finalité à divers arcs narratifs commencés en 2008 et bah y a pas, et ouais. C'est ça en fait, je pense, qui me frustre un tout petit peu, même si j'apprécie le film au demeurant, mais ce qui m'ennuie un peu, c'est que je me dis, mais on sent vraiment que voilà, ils ont pas envie de prendre le risque de se séparer vraiment, mais totalement, de certains personnages, et vraiment ils veulent c'est continuer à franchiser, alors que moi je le voyais vraiment, c'est vrai que je voyais vraiment cet Avengers comme le passage de flambeau en fait entre les, ouais. Les premiers Avengers qu'on avait découverts et la nouvelle équipe qui se formait. Alors après, qu'on aime ou pas Doctor Strange, Spider-Man ou même les Gardiens, parce qu'ils sont quand même plus dans les derniers que dans les nouveaux, oui, ouais. dans les nouveaux que dans les, oui, les anciens, dans les, ouais, ouais. Moi par exemple, c'est vrai que dans ce film là bon, Captain America, je me doutais qu'il ne mourrait pas, parce que c'est genre de, symboliquement, ça, c'est genre de truc qui aurait jamais passé aux États-Unis. Ouais, c'est clair. Mais par contre, c'est vrai que je voyais bien Tony Stark mourir ici, moi. Ouais. Je voyais bien Tony Stark mourir, Wanda aussi, Maximoff, je pensais que elle est morte. Oui. Après, enfin, on sait pas vraiment ce qui s'est passé. Ça se trouve, ils sont allés dans une autre dimension. C'est possible. Tout simplement. Mais c'est vrai que je voyais vraiment. Et en plus, et ce qui me faisait penser à ça, d'autant plus, c'est que Doctor Strange ferait un très bon nouveau Tony Stark. Oui, c'est vrai qu'il a le même caractère, et qu'on le voit quand il interagit avec lui, que c'est à peu près le même style de personnage. Voilà, et du coup, je me disais, ah mais donc c'est peut-être ça en fait qui va se passer, c'est que bah, les anciens, voilà, bon, ils ont fait 10 ans, maintenant on va sur de nouveaux trucs, quoi. Alors, je dis pas que ça aurait été très original, mais c'est plus comme ça que je le voyais, et en fait, je me dis, non, mais ils continuent toujours, et c'est peut-être ça qui m'ennuie un peu plus. J'apprécie vraiment Thanos, je trouve que Josh Brolin, il l'incarne bien, et c'est, ouais, un vrai méchant. C'est... Autant, il y a beaucoup de... Enfin, dans beaucoup de films Marvel, on savait que le méchant serait battu. Ouais. Parce que c'était la... Voilà, il fallait que ça soit comme ça. Mmh. Là, jamais tu... Enfin, c'est vrai, t'es dans le doute jusqu'au bout. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est vrai que Thanos acquiert du pouvoir toujours plus. Et tu te dis, mais même là, eux, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire, quoi. Et finalement, que la fin soit assez pessimiste, bon, bah, forcément, ça change dans un film Marvel. Ouais. Mais le problème, c'est que... On sait ce qui va arriver. Leur calendrier de sortie et tout, comme ça, à l'avance, bah, le studio, en fait, plombe un peu la fin de son film. Ouais. Et bah, du coup, il n'y a pas vraiment... Comme tu dis, il n'y a pas trop d'enjeux à la fin, quoi. Tu ressors en te disant... c'est pas comme si t'en ressortais. Oh putain, mais en fait, il y en a plein, là, qui sont morts, même parmi les nouveaux. Enfin, c'est... Qu'est-ce qui va passer ? Et tu te dis, même, c'est génial, quoi, qu'un studio prenne des risques comme ça. Et en fait, bah non, tu te dis, ils n'ont pas pris de risques, tout va se résoudre à un moment ou à un autre, parce que comme tu dis, il y a des acteurs qui viennent de signer leur contrat. Voilà, quoi. Après, c'est ce qui est un peu décevant, même si, dans le fond, c'est un film que j'ai plutôt apprécié. Mais c'est pas le Marvel que je retiens. Donc, c'est vrai que maintenant, de Marvel, j'aurais plus d'impatience à découvrir les aventures solo, en fait. Les films solo de certains personnages, genre Black Panther, je serais très content de voir la suite. Ouais. Parce que l'univers me plaît, parce que enfin moi j'aime bien, j'aime beaucoup comme enfin surtout dans le film Black Panther, parce que là tu en as eu un aperçu du Wakanda. Ouais. Dans celui-ci, mais j'aime vraiment bien enfin le film Black Panther, j'aime cet univers où on reprend tout le folklore africain et on en fait quelque chose d'hyper moderne avec la technologie et tout, et je trouve que ça rend vachement bien. Ça, il y a un côté tribal, tribal techno un peu très très Ouais, intéressant. Et le héros en lui-même est intéressant aussi, je trouve. ouais. Donc c'est vrai que je, par exemple, tu vois, voilà, ça m'intrigue plus, un peu comme quand Les Gardiens de la Galaxie est sorti, que du coup ça changeait vraiment, ça faisait du bien de passer à autre chose aussi, enfin de découvrir un univers différent. Oui. Et voilà, bon, maintenant, bah, on va voir. Enfin, mais c'est vrai que du coup, je suis plus curieux finalement de découvrir les prochains films DC Comics. Même si effectivement, Justice League, moi j'aime bien, mais je reconnais volontiers que c'est pas le meilleur film qui soit. Je suis plus emballé en fait à l'idée de découvrir les futurs films de DC Comics, parce qu'en fait, bah, eux, ils sont en train d'étoffer leur univers, alors que là, Marvel commence à tourner un petit peu en rond. Ouais. Mais DC Comics n'est pas à l'abri de tourner en rond aussi au bout d'un moment. Hein. Oui, je pense que ce sera pas... Enfin, ça arrivera. C'est pas inévitable. Hein, ouais. Mais c'est vrai que... c'est vrai que ce genre de... Ces univers étendus nous font quand même regretter le temps où on faisait des films, enfin on faisait des sagas qui avaient une fin, quitte à revenir plus tard, pourquoi pas, mais il y avait une fin, quoi. Par exemple, là, on sait très bien que on sait très bien que la nouvelle trilogie Star Wars va se clore, mais qu'avec elle va se clore tout l'arc narratif des Skywalker. Oui. Et si, que là, après, ils repartent sur un autre... Enfin, ce sera toujours Star Wars, mais qu'ils vont repartir sur une histoire originale et ça fera du bien. Mais on aura eu 6 films consacrés au même arc narratif. Mm-hmm. Bah, je trouve... Bah, voilà, c'est bien, quoi. C'est bien, ça crée... C'est une saga, c'est une franchise. C'est quelque chose qui a un début, un milieu, une fin. Et là, Avengers, en fait, le problème, c'est que là, Marvel, les super-héros, on a l'impression que ça s'arrêtera jamais. Non, ça s'arrêtera... Ouais, c'est ça, le souci, en fait. Et c'est pour ça que je pense qu'ils auraient dû structurer leur univers, en 3 phases, par arc narratif. Mm-hmm. Avec un méchant annoncé à la fin de la première phase et puis qui entre guillemets est battu à la fin de la troisième, ou alors le fait qu'il survive amorce la prochaine, mais que du coup les phases soient liées entre elles, mais qu'il y ait des fins en fait dans chaque phase, parce que là on se dit bah non, mais on va en bouffer, mais est-ce que ça aura du sens au bout d'un moment. Et c'est ce dont personnellement, et je sais qu'on a tous peur de ce qui va arriver à Star Wars aussi. Mais comme je te dis, je pense que Star Wars, en fait, ça va être des nouvelles histoires dans le même univers, mais ce sera des nouvelles histoires. Après, les Skywalker et tout, je pense qu'ils seront évoqués si ça se passe après. Oui. Mais je pense qu'ils seront évoqués, mais tu vois, ils seront pas au cœur de l'histoire et il y aura pas forcément de... Ça sera, moi je le vois vraiment comme par exemple une histoire, mais avec les trucs que t'as dans Star Wars, à savoir la Force, les Jedi et les Sith, quoi. C'est la base, mais sur des nouvelles thématiques et tout. Autre qu'un empire qui s'en prend à une rébellion, etc., quoi. Oui. Moi je le vois plus comme ça. Après Avengers, le truc c'est que c'est des super-héros, donc les super-héros défendent l'humanité. Malheureusement, avec un postulat comme ça, est-ce qu'on peut tenir indéfiniment sur un univers ultra étendu? Je sais pas. Ouais. Alors, est-ce que la solution c'est pas d'aller vers quelque chose un peu plus genre Les Gardiens de la Galaxie, où on se cantonne plus à la Terre mais vraiment à l'univers tout entier, quoi? Ouais, c'est peut-être une solution, c'est clair. Mais moi je connais pas les comics, donc du coup je sais pas. C'est pour ça que moi en fait j'ai moins la lassitude que toi, c'est qu'en plus moi je sais pas où ça va. Oui, donc c'est... y a de la lassitude qui s'installe un petit peu, c'est vrai, mais il y a quand même de la curiosité qui demeure. Donc, Alors que c'est clair que quand on a lu pas mal de comics, on sait où ça va aller, on sait quand ça va recommencer, on sait comment ça va recommencer. Et c'est clair que ben on est moins beaucoup moins surpris. Voilà, bon. Pour finir rapidement sur Avengers Infinity War, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce qui me dérange aussi beaucoup dans ces films, et c'est pas que lié à Marvel, c'est lié à tous les films de super-héros. Après, je comprends que c'est normal, puisqu'on arrive à un point technique où c'est obligé de le faire, mais je trouve qu'il y a trop de CGI, en fait. On en bouffe tout le temps. Enfin, vraiment, le méchant, c'est une personne en CGI, quand même. C'est du full CGI, ouais. Ouais, voilà, c'est... Enfin... Et c'est pas justifié comme par exemple James Cameron avec Avatar qui Oui. lui Oui, c'est enfin il il rentre voulait dans en ouais, fait ça tu rentres dans c'était un univers et du coup ouais c'est c'est logique. nécessaire, ça ressemble à rien de ce qu'on connaît et du coup il avait pas le choix. Ouais. Non mais voilà, Bon, même après, si Thanos, il est très propre quand même. Oui, non mais ça, je vais pas cracher sur la qualité des CGI en fait. Le problème c'est qu'il y en ait c'est qu'on fasse aussi facilement et recours au CGI et enfin autant recours au CGI. Et que au final ça rend encore plus le truc aseptisé et pas sans intérêt mais sans grands enjeux parce qu'on sait que c'est du CGI donc voilà c'est des ordinateurs qui calculent les images donc enfin moi personnellement ça m'implique beaucoup moins dans le film. Ah oui. Ouais, Ouais, moi je sais que j'arrive à passer au-dessus ça en fait maintenant. ça dépend des films, ça dépend des films, mais là les films où il y en a trop. Ça me bloque parfois. Ah ouais. Et là, je l'ai vraiment ressenti au bout d'un moment où il y a vraiment une fatigue de CGI. Je le sentais déjà sur le deuxième qui était aussi assez atroce là-dessus. Ouais, avec Ultron, ouais. Ouais, Ultron et puis enfin toute la ville, etc. Enfin, Ah, tu parles de ces CGI-là, toi. mais enfin des Tu parles décors, des personnages ou des décors? et des personnages en Ah même temps. oui, Tu vois, ouais. ouais. Parce qu'autant les décors, c'est vrai que... Bon, j'en reviens encore à Jurassic World, mais c'est vrai que le parc faisait un peu factice. Oui. Il y avait des trucs... Bon, il y avait des trucs qui... On va... En fait, enfin, je trouve que c'est un bon exemple parce que toute la Main Street du parc avec les boutiques et tout, en fait, ça avait été créé en dur et ça se Ouais. voyait. Et Oui. par contre, le bâtiment le plus important dans cette Main Street, l'Innovation Center, là, le Samsung Ouais. machin, Tu sentais enfin, le bâtiment du parc, quoi. Ouais. Bah, lui, par contre, en fait, il avait une base en dur et tout le toit c'était du CGI et ça se Ouais, voyait ça. ça se voit à Et fond, ouais, c'est vrai que sur ces trucs-là, c'est ouais, le full CGI, des fois, c'est chiant. C'est chiant et ça Ouais. fatigue en fait, vraiment. Parce qu'on n'a plus l'impression de. Enfin, je sais que c'est censé être la magie du cinéma, qu'on doit se plonger dans un univers, mais en même temps, il faut qu'on s'attache à quelque chose de réel pour ressentir des émotions. Et là, si on a que. Et je sais, tout le monde va me dire, oui, mais alors, t'as vu Toy Story et tu t'attaches quand même au personnage. Mais c'est. C'est Enfin. oui, mais là, enfin, ouais, le C'est pas full la même. CGI dans un univers réel avec des prises de vue réelles, c'est pas Voilà, pareil c'est ça. qu'un film entièrement en 3D. Voilà, ouais, exactement. Et c'est pour moi, ouais, voilà, ça c'est un plus gros souci encore et ça se limite pas à Avengers, ça se limite à, enfin c'est vraiment toute l'industrie cinéma, que ce soit hollywoodienne ou autre part, Ouais. où on fait de plus en plus appel au CGI. C'est bien, ils sont bien faits, c'est génial, Ian j'adore. McKellen le disait, enfin, c'est vrai que quand lui il a tourné le Hobbit, c'est quasiment que dans une salle verte. Enfin, Ouais. il était paumé, quoi. Et lui qui est pas du tout un acteur de cette génération-là, a eu du mal à s'adapter. Oui. Et je pense que c'est assez finalement représentatif du souci, quoi. Et on le ressent ben voilà, bon exemple, on le ressent dans The Hobbit, par exemple, par rapport au Seigneur des Anneaux, il y avait Ah beaucoup oui. plus. Après, il est plus vieux aussi maintenant, Oui, mais. mais on ressent quand même plus l'attachement à quelque chose de plus. Des décors réels, Ouais. des maquillages, etc. Et pourtant, dans Seigneur des Anneaux, il y en a un. Oui. Et Il y en a un du y a des CGI. CGI. Ouais, mais quand c'est mélangé astucieusement, Ouais. ça fonctionne. Quand il y en a trop, on a l'impression de regarder des ordinateurs qui font leur travail, quoi. C'est Et ça, c'est qu'on va quand même c'est. pas. Enfin, c'est vrai qu'on va pas au cinéma pour voir des cinématiques, quoi. C'est clair. Voilà, Aussi belle c'est. soit-elle, hein. Voilà. Et si je veux voir des cinématiques, je lance un jeu. et c'est très bien, mais voilà, quoi. C'est l'aspect, et puis on le ressentait aussi par exemple dans Ready Player One. Bon, ça c'est normal puisque c'était un Après, film. Voilà. il y a C'était. des films qui l'utilisent bien. Tu vois, je Voilà. pense à Tomorrowland, par exemple. Voilà, oui. Mais je trouve que Tomorrowland, différent, quoi. Ouais, ouais, il arrive à trouver le juste milieu pour que ça fasse pas trop fake et en même temps qu'on puisse rentrer quand même dedans, etc. Donc voilà. Tomorrowland, c'est impressionnant. Enfin, moi, vraiment. Oui, non, mais. Enfin, on a déjà dit. C'est vrai que pour l'avoir revu, enfin, ouais. Franchement, il y a des scènes, des scènes en. Comment on appelle ça? Je vois pas de quoi tu sais, les scènes pas coupées là, les. Comment on appelle ça? Les scènes qui. Enfin, les. Le director's cut Non. Non, tu sais, les scènes où t'as pas de cut en fait à l'image. Ah oui, plan séquence. Hein? Plan séquence? Oui, voilà, c'est ça. Et c'est un plan séquence. Alors, tu sais qu'elle était. Ouais, sur un fond vert. Que les acteurs, ils étaient quasiment tous sur fond vert. Après, oui, elle a peut-être monté des marches qui étaient en dur et tout. Ouais. Enfin, par exemple, mais que tout le décor autour, en fait, est faux. Mm. C'est impressionnant, quoi. Et je me dis, c'est con que tous les films, en fait. Enfin, tous les studios ne donnent pas autant de budget. Et c'est Disney pourtant. Ah oui. C'est ça le ouais. Mais je pense qu'en plus, vu que le film s'est planté, ça les aura pas rassurés. Dire, ah, d'accord, on met de l'argent. Et en fait, c'est pour ça que leur version live, genre La Belle et la Bête et tout, tu voyais vachement plus les CGI et tout. Ouais. Et bon, même si les décors étaient beaux, mais. Oui. Parce que c'est ça, en fait. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. C'est que quand on critique, par exemple, les CGI sur les décors, c'est pas le design des décors qui nous convient pas. Moi, je suis très, très fan de Jurassic World. Le côté moderne et tout, ça me plaît vachement. Ouais. Enfin, je vous présenterai ceux qui me suivent sur Planet Coaster. Ils seront pas surpris quand ils verront le parc sur lequel je suis en train de bosser depuis 5 mois. Oh, finesse, 5 mois. C'est un parc tropical qui est très inspiré de Jurassic World au niveau des bâtiments modernes. Et ça me plaît beaucoup, mais justement, c'est pas parce que les choix artistiques peuvent plaire, mais la manière de les exécuter fonctionne pas toujours. Ouais. Et c'est vrai que du coup, dans un film comme Avengers Infinity War, parce que c'est quand même le sujet rubrique, non, mais... c'est un film qui se passe beaucoup sur Terre, ouais. Qui se passe beaucoup dans l'espace aussi. Alors, les scènes dans l'espace, forcément, quand elles sont en CGI, passent mieux. Oui. Ouais. Parce que t'as pas trop de moyens de les refaire autrement. Mais c'est vrai que quand tu vois Tony Stark et Doctor Strange qui se fightent dans une rue avec des aliens, et que finalement, la rue est quasiment toute en toc, tu te dis, merde, les mecs, quoi, faites des efforts. Enfin, je veux dire, vu ce que vous rapportent les films, vous pouvez quand même... Faire un effort pour investir ça... ce qu'il faut, quoi. Ouais, c'est mais c'est bon, ça qui est un peu agaçant. Ouais, c'est vraiment en plus de la fatigue, c'est qu'on ressent la même recette aussi et que ils essayent pas d'innover sur ce point et c'est vraiment c'est ça. On commence à le ressentir le vraiment. Le souci de chez Marvel, hein, d'ailleurs, c'est ça, c'est que c'est vrai que les films se ressemblent tous dans la manière où ils inventent plus, en fait. Ouais. Autant, direct la phase 1 d'Iron Man à Captain America et pour finir avec Avengers, les films ne ressemblaient pas. Enfin, oui, ouais. La démarche était la même, bien sûr, c'était de présenter un personnage important, mais les films ne se ressemblaient pas. Et c'est pour ça que. C'est pour ça, je pense, aussi qu'on apprécie tellement plus les Gardiens de la Galaxie. Oui, parce que ça se passe dans un univers complètement différent du nôtre, etc. Enfin, ouais. Et pareillement chez DC, je pense que c'est pour ça que moi j'ai beaucoup apprécié Wonder Woman, parce que ça prenait pied dans une autre époque déjà. Ouais. Et alors peut-être que j'adorerais Captain Marvel. Hein. Oui. J'en sais rien, hein, mais bon, pour le moment, c'est vrai que je suis pas hyper convaincu par le personnage quand même. Ouais, ouais. Et alors surtout, Alison Brie. Non, c'est pas Alison Brie, c'est Brie Larson. Non, Brie Larson, je les confonds toujours, pardon. Bah, Brie Larson, si, ça va, parce que bon, quand même, Room. Oui. Qui est toujours en tête et qui était vraiment excellent. Bon, j'ai moins en tête Kong Skull Island. Ouais, ça, on va l'oublier. Hein. Voilà, même si, bon, dans le film, elle se débrouillait, hein, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais je sais pas. Ouais, je crois que Tom Hiddleston aussi, il veut l'oublier. Ouais, oui, c'est vrai qu'ils étaient ensemble. Ouais, dans le film. Ouais. Donc bon, mais après, le film a quand même fonctionné sur 2-3 petits trucs, hein, Avengers Infinity War. C'est vrai que moi... Loki, au début, ça m'a fait chier quand même, parce que bon, Loki, c'est le personnage qu'on adore détester. Et tout comme ça me fera chier dans la saison 8 de Game of Thrones aussi, admettons, je sais pas, Cersei meurt ou des trucs comme ça, quoi. Oui. C'est des personnages détestables, bien sûr. Donc mais on adore. Sachant que, de toute façon, dans Game of Thrones, on s'attend à ce que tout le monde meure. Ouais, ouais. Moi, je pense que je vais... On s'attend à un plus gros truc Infinity War au niveau de la... Ouais, à mon avis, ouais, le choc risque d'être assez rude, même si, bon... J'adore la série, hein, mais il y a beaucoup de choses... Enfin, il y a des trucs qu'on voit venir, hein, quand même. Oui, non. Oui. C'est pas parfait, hein, c'est clair. Non. Voilà, je crois qu'on a... On a tout dit. On a beaucoup déballé sur Avengers Infinity War, mais en même temps, je pense que... Après, c'est pas le film de super-héros le plus honteux, mais c'est vrai que c'est dommage d'aboutir à finalement... Un... Enfin, c'est dommage de 10 ans de trame pour aboutir finalement à quelque chose qui manque quand même un petit peu trop de substance par moment, en fait. Ouais. Et puis, ouais, aussi la musique, rapidement, je la trouve aussi assez banale. Enfin, c'est vraiment du cliché, tu vois. Il y a un gros... Bah oui. Dans le premier Avengers, c'était cool parce qu'il y avait le thème, on connaît... Enfin, on le découvrait pour la première fois et c'était vraiment cool. Mais là, on sent vraiment la... lassitude. C'est Alan Silvestri, toujours. Le truc, mais... c'est que du coup, ils essayent de caler la musique de chaque... héros. Ouais, ouais, sur le Wakanda. Alors moi j'adore, mais c'est vrai que du coup, bah là, c'était très rapide. Enfin, c'est il y avait pas de. C'est vrai que le thème de Black Panther, du coup, avait moins d'importance et de signification que quand dans le film Black Panther, il se relève et que du coup, ça symbolise vraiment qu'il accède à son statut, quoi. Ouais. C'est ça a pas la même signification. Là, c'est vraiment oui, on est au Wakanda, donc on met la musique du Wakanda. Ouais, okay. C'est ça. On sent vraiment le best of, tu sais. C'est un peu ça. Ouais, et c'est vrai que c'est le best le menu of Big Mac, quoi, de chez Marvel. Ouais. Voilà. J'espère que ça vous a plu tout ce qu'on vous a dit. De toute façon, je pense que s'il y a des choses que, enfin, vous avez pas. Mais j'ai l'impression qu'il a plus convaincu que celui d'avant, quand même. Que oui, non, ouais, il y a beaucoup plus de bons retours que Age of Ultron. Ouais, il se faisait plus descendre le Age of Ultron. Ouais, mais bon, Ultron, c'est con, quoi, d'avoir un personnage comme ça et de pas exploiter à fond l'intelligence artificielle. Moi, c'est ça qui m'avait vraiment déçu. Et quand je l'ai revu, c'était pareil. Hein. Ouais, et puis Vision, je le trouvais sans intérêt. Et même là, ici, même s'il est un peu plus développé, c'est pas non plus. Le grand personnage. Sa relation avec Wanda, elle est intéressante. Ouais, c'est vrai. Et Wanda aussi, je trouve que c'est un personnage qui est finalement assez intéressant. Mm-hmm. Ouais. On sent que c'est la plus forte et qu'elle fait quasiment rien. Ouais, c'est ça. Et tu sens, enfin, c'est con, elle est sous-exploitée. Moi, j'aurais un film sur. Mais bon, après, je pense qu'il ne peut pas vraiment faire de film sur elle. Déjà, les droits, c'est un peu compliqué. Ouais. Parce que techniquement, c'est. Enfin, c'est Wanda, une X-Men, C'est une X-Men, donc Scarlet du coup, Witch, c'est. Donc du coup, Fox qui avait les droits. Ouais, mais qui les a toujours puisque le rachat n'est pas encore terminé. Oui, il n'est pas finalisé d'ailleurs. Et comme cast apparemment, ils essayent de mettre le nez dedans. Bref. Mais j'aimerais bien qu'ils mettent le nez dedans puis qu'ils remportent le truc à la limite. Ouais, et que Disney ne chope pas ça. Ouais. Pas le monopole, quoi. C'est clair. ou alors qu'ils chopent Star Wars et qu'ils nous sortent les Blu-ray et qu'on n'en parle plus. Les Blu-ray intégrales et puis voilà. Mais du coup, tu vois, c'est vrai qu'encore une fois, j'aime bien Marvel, j'aime bien DC, mais j'en reviens encore à me dire, j'attends plus, par exemple, le prochain X-Men, quoi. Ouais. Mais... qui pour le coup, c'est vrai que sur la durée, arrive à se renouveler et à proposer des thématiques intéressantes et à intégrer des nouveaux personnages, à en faire partir d'autres. Enfin, c'est vrai que je trouve que c'est vraiment une saga qui évolue de manière plus cohérente et puis surtout avec quand même plus de prise de risque, je trouve. Oui, c'est clair. Et sachant qu'on en avait parlé là, avec Morgane dans le dernier Parlons Cinéma, c'est que le prochain, donc sur... la sorcière, maintenant j'arrive plus, enfin j'en perds. Dark Phoenix. Ouais, Dark Phoenix, voilà. Avec Scarlet Witch et Dark Phoenix, je mélange. Il est repoussé 2019, il me semble, donc voilà. Mais comme on disait avec Morgane, moi je pensais que le dernier, c'était vraiment la fin de cette prélogie. entre guillemets. Ah oui. Et qu'on. Bah, ouais, prélogie mais... oui. ou pas, ouais, du coup. Entre ouais, voilà, c'est, avec c'est Days of Future Past qui. Oui, qui a un peu changé tout ça. Mais, qui a mis les pieds dans le plat. C'est clair. Mais pour le mieux, hein, on va dire. Ouais, oui, oui. Ouais. Non, mais par contre, tu vois, là, je suis en train de me dire. Enfin, c'est bon, c'est méchant hein, ce que je vais dire. Mais en fait, je me rends compte que limite, X-Men, l'affrontement final. Bah, y avait plus de prise de risque qu'Avengers Infinity War. Mais écoute, quand tu réfléchis bien. C'est pas faux. Non, mais. Tu ouais. trouves pas ? Moi, franchement, je trouve. Non, c'est clair. Oui, c'est vrai en plus. Hein. Enfin, y avait plus de prise de risque. Hein. C'est... Enfin, tu faisais partir plus de personnages. Attends, et Scott. Et de manière vraiment définitive. Scott, le professeur X et puis Jean Grey. Ouais. Ça faisait trois d'un coup quand même. Ouais, hein. Et puis eux, pour le coup, ils étaient bien décédés. Hein. Ouais. Là, c'est des, il n'y avait pas de problème. Ils revenaient pas. Hein. Même Magneto qui avait plus ses pouvoirs. Ouais, ouais. Non, c'est... Pour le... c'est vrai que pour le coup, je trouve qu'il y avait plus de prise de risque. C'est clair. C'est clair. Ok, bon. Ben voilà, on a fini sur Avengers Infinity War. Et on va terminer ce podcast avec la dernière rubrique, donc la Minute Nerd. C'est parti. Dernière rubrique de ce podcast et c'est la Minute Nerd. Du coup, c'est à mon tour ce mois-ci. Et moi, j'ai décidé de vous parler d'un film, d'un jeu vidéo, d'un jeu que j'ai fini récemment. Enfin, fini, c'est un grand mot parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, je vais parler de Super Mario Odyssey sur la Nintendo Switch. Qui est un film que, qui a, voilà, on parle trop de films sur ce podcast, qui est un jeu vidéo que j'ai eu à la sortie quasiment un mois après la sortie à peu près, en même temps que la Switch, et j'ai passé. Mais tu l'as acheté toi la Switch? Oui, j'ai la Switch. En fait, c'est sympa quand même, je pense. Ouais, c'est vraiment pratique, surtout enfin tu peux jouer en mode portable ou en mode sur la télé, et c'est vraiment enfin ah ça c'est cool hein. C'est vraiment pratique, tu vois, tu commences ta partie sur la télé, tu le seul truc con c'est l'exclusivité Nintendo quoi avec, au niveau des jeux. Oui, c'est mais après c'est quand on aime Nintendo on achète on achète la plateforme pour jouer au jeu quoi, c'est ouais, mais bon après c'est vrai que tu te dis bah il y a plein d'autres jeux qui doivent être sympas à côté et tu peux pas y jouer quoi. Ouais, bon, j'ai un PC, tu vois, c'est... Ouais, après, ouais, voilà, tu vois, quand t'as un PC et une machine Nintendo, tu joues à peu près à tous les jeux que tu veux, sauf les exclusivités PlayStation et Xbox, mais bon, ça... Ouais. Voilà, mais... donc, voilà, et puis la Switch, maintenant, s'ouvre de plus en plus aux jeux pas Nintendo, en fait. Il y a plein de jeux indépendants, etc., qui arrivent sur qui sont sur la Switch. Toutes les semaines, il y a des nouveaux jeux, et ça n'arrête pas. Et vraiment des jeux de qualité. Donc juste la machine, si je dois la recommander, vous pouvez, enfin vraiment, si vous hésitez à l'acheter, c'est un très bon investissement parce que déjà vous avez Mario et Zelda qui sont les killer app de la Switch. Vraiment, c'est les jeux si vous avez une Switch, c'est les jeux qu'il faut faire. Oui, d'ailleurs, le dernier Zelda, apparemment. Qui est toujours, enfin, qui est génial. Je suis à 40 heures de jeu et je suis même pas au un quart de l'histoire. Je viens de dépasser les 1000 heures de jeu sur Planet Coaster. Ah ouais, oh, finalement. Ouais, non, mais c'est assez dingue parce que tu te balades dans Zelda et tu fais plein de trucs et en même temps tu t'avances pas vraiment dans l'histoire, mais c'est pas important quoi. C'est 40 heures de jeu sans avoir fait un quart de l'histoire, ça me paraît complètement dingue. Donc voilà, pour parler de Super Mario Odyssey, c'est vraiment un jeu de plateforme vraiment génial, qui est super bien équilibré, super bien calibré pour que ça... Que vraiment, c'est le meilleur jeu Mario en 3D depuis 64, je pense, vraiment. Ah oui. Ouais, ouais. Alors, j'avais pas joué à Galaxy, donc je peux pas donner mon avis. Je sais que beaucoup aimaient Galaxy, mais en tout cas, l'Odyssée, pour moi, il est quasiment au même niveau que le Mario 64. Ouais, que ce soit au niveau du gameplay, parce que on est à 3 boutons. Donc déplacement, saut et puis lancement de la casquette. Et ouais, c'est parce que c'est la nouvelle technique du, enfin la nouvelle, le nouveau gameplay en fait de ce jeu, c'est qu'on peut lancer sa casquette pour faire des sauts plus longs, etc. Et bon, l'histoire, hein, c'est pas le c'est pas pour ça qu'on achète un jeu Mario. Hein, c'est Bowser qui enlève Peach, etc. Ça c'est toujours la même chose. Mais voilà. Plein de fonctionnalités avec 3 boutons, on fait plein de mouvements. Enfin, il y a tellement de mouvements à faire que ça paraît dingue d'avoir résumé un gameplay à 3 boutons et de pouvoir faire autant de choses, autant d'actions. Ouais, non, c'est vraiment assez impressionnant. J'ai passé plus de 20 heures sur le jeu. J'ai fini l'histoire principale, mais. Du coup, ce qu'on récupère, on récupère des lunes au lieu des étoiles, comme d'habitude. Là, j'en suis à 300 à peu près. Et il y en a 600 dans le jeu. Sachant que voilà, j'ai passé beaucoup d'heures dans les mêmes niveaux. Je me suis pas, je me suis attardé sur les niveaux. Et j'ai toujours même pas. Enfin, j'ai que la moitié des lunes. Parce que, en plus, quand on a fini le jeu, il y a des nouvelles qui se débloquent dans chaque monde. Donc, il faut refaire le tour. Et il y a toujours. En fait, il y a toujours des choses à faire et c'est juste génial. Donc voilà, moi je m'éclate sur ce jeu et même après 20 heures, je m'ennuie pas et ça me parle. Enfin, c'est vraiment assez dingue quoi. Et bon, j'ai toujours beaucoup apprécié les jeux de plateforme, mais là c'est vraiment un jeu comme ça. Ça faisait des années que j'avais plus joué à un jeu de plateforme qui m'éclatait autant. Donc voilà, si vous avez la Switch et par malheur vous n'avez toujours pas Super Mario Odyssey, vraiment qu'est-ce que vous faites, vraiment dépêchez-vous, prenez-le parce que ça vaut vraiment le coup. Et puis voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc et en même temps je joue un peu à côté à Mario Kart, donc si vous voulez me retrouver sur la Switch, c'est je vous donnerai le tag à plus tard, enfin à la fin de l'émission, si vous voulez jouer contre moi dans Mario Kart, voilà, sur Switch. Du coup voilà, c'était ma recommandation jeu vidéo du mois et on va passer à la fin de cette émission. On est à la fin de cette émission, voilà, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin, j'espère qu'on n'a pas trop énervé les fans de Marvel en parlant, en parlant comme ça de Avengers, oui ça va, on va pas non plus s'excuser, donc merci Eddy d'être toujours présent, donc du coup Morgan n'est pas passé, mais voilà on lui fait quand même un petit coucou. Pour ceux qui regardent TPMP, apparemment il est passé, il nous a montré des images. Ah oui. Enfin moi personnellement, enfin, je sais que toi non plus tu regardes pas, donc Ah non, ouais. Non, j'évite le plus possible. Voilà. Donc on l'a pas vu en direct, mais en tout cas si vous regardez TPMP souvent, vous avez peut-être pu voir Morgan dans le public. En plus, il était très bien placé, vraiment. Apparemment. Ouais. Enfin, sur les images que j'ai vues, il était vraiment bien placé. Donc voilà. À part ça, on va rappeler rapidement toutes les informations qu'on donne à la fin de l'émission. Donc, pour retrouver les critiques, les émissions vidéo et audio. C'est sur moviesnerd.net. Les réseaux sociaux, c'est sur Facebook, c'est moviesnerd tout court. Sur Twitter, c'est movies_nerd. Underscore, c'est le tiré du 8, je le rappelle. vous pouvez noter le podcast moviesnerd sur PodCloud, sur iTunes. Je vous rappelle que ça fonctionne enfin, ça refonctionne enfin. Oui. Voilà. Et sur Sens Critique aussi, vous pouvez noter le podcast. Voilà. Et moi, personnellement, vous pouvez me retrouver, même si en ce moment, je fais un peu une cure réseaux sociaux. Je regarde beaucoup moins Facebook, Twitter, etc. Parce que je commence à en avoir marre, en fait. Je perdais trop de temps dessus. Donc, voilà. Je suis toujours sur Twitter, mais je fais quasiment plus rien, donc vous pouvez toujours me suivre, mais ça sert pas à grand chose. C'est TheLexal, TheLexal. Sur Sens Critique, je suis beaucoup plus actif, c'est la même chose. Sur Switch, si vous voulez jouer avec moi, c'est pareil. Et sur Steam aussi, on a aussi le groupe Steam Movies Nerd, voilà. Ah bon ? Non, sur Discord ? Non, sur Steam. Ah, il y a Steam aussi maintenant. Oui, mais ah bon, t'es dedans en plus. Ah d'accord, ok. Voilà, donc toutes les infos de toute façon se retrouvent. Mais je suis pas trop au fait des fonctionnalités de Steam. Donc. Ouais. non, mais du coup je l'avais créé, mais si voilà. Est-ce que j'ai je t'ai toi, mais. Ouais, non, c'est le groupe et. Bon, pour l'instant, il y a personne, mais moi, je sais que je vais bientôt avoir un nouveau PC. Okay. Et du coup, ah oui, effectivement, je vais le demander. Ouais, et du coup, je vais enfin pouvoir jouer beaucoup plus au jeu PC. Surtout pouvoir faire. Bah, moi, là, je vais. Ma vie sociale va encore en prendre un coup. Il y a Jurassic World Evolution qui va sortir. Qui sort bientôt. Hein. Donc, ouais. Donc voilà, c'est génial. On aura encore plus le temps d'aller voir des films. Ouais, c'est ça, non mais. on sent vraiment. Non, et surtout, le nouveau PC, ça va me permettre de surtout faire les montages beaucoup plus rapidement parce que je sens que le PC commence à galérer un petit peu sur les montages, donc voilà. Donc ça va faire du bien, je vais pouvoir aller beaucoup plus rapidement. Je crois que c'est tout. Donc, Eddie, toi, où est-ce qu'on peut te retrouver sur l'internet ? Sur l'internet, comme d'habitude en fait, hein, c'est à peu près, c'est toujours pareil. Ouais. Donc moi, on me retrouve sur Facebook, sur Facebook, sur Sens Critique, sur Movies Nerd, c'est Eastark. Sur YouTube, c'est Eastark Play. Sur Steam, c'est Eastark 91. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et Eastark 91. Et sur Discord, c'est Eastark 91. Hashtag 2976. Voilà. Et c'est tout. Je crois que c'est tout. Ouais, voilà. Ouais, je crois que non, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. C'est déjà très bien. Je le donne pas, c'est pas. Ouais, ça c'est. J'y suis jamais. Ça, non, mais ouais, non, c'est vraiment. J'y suis jamais. Ouais. Non, je crois que c'est tout. Et après, si vous aimez bien Planet Coaster, il y a un groupe qui est Planet Coaster qui s'est monté sur Facebook et qui est plutôt sympa, avec beaucoup de partage de création et d'entraide. Donc voilà. Qui est Attends, je retrouve le nom. Ouais. Merde, il est où ? Planet Coaster France, en fait. Ok, voilà. Donc, si tout simplement. Si en fait, intéresse. C'est comme le forum Planet Coaster. Mais sauf que c'est plus vivant en fait sur le groupe que sur le forum. Oui, j'imagine. Voilà. voilà, vous avez toutes les infos. Merci encore d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci à toi, Eddie, d'avoir participé. Hein. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Merci. Pour ce 40e épisode, quand même. Hein. C'était. Ouais. On arrive enfin au 40. J'ai l'impression qu'on était bloqué dans les numéros 30 depuis des années. C'est clair. Donc voilà. Et puis, on se dit dans pas très longtemps, normalement, j'espère. Pour un prochain podcast Movies Nerd, on va parler des films du mois de mai, donc le mois où on arrive bientôt à la fin. Ouais, voilà, oui. Bon, a priori, il y aura du solo, hein, je pense. Ouais, normalement, oui. Ça risque d'être principalement là-dessus. D'ailleurs, j'ai pas vu autre chose encore pour le moment. Ouais, donc voilà, vous êtes déjà prêts. Heureusement que Morgan va voir d'autres films, mais bon, le problème, c'est qu'à chaque fois, il peut pas venir. Alors, c'est un souci, ça, ouais. Voilà. Donc voilà. Merci encore d'avoir écouté et puis on se dit à la prochaine. Salut. Salut. We'll be right back.